إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. C'est donc la deuxième partie du réenregistrement du cours manquant de l'explication de Cheikh Obaid al-Jabiri hafidhahullah ta'ala de l'excellent livre et l'excellente épître Les trois fondements de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. On était arrivé au passage قال المصنف رحمه الله والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون سورة البقرة. Donc l'auteur qui est Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit Et le Seigneur est celui en droit d'être adoré. Pour preuve de cela, la traduction du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. C'est la traduction du sens de Surat al-Baqarah, versets 21-22. Maintenant, là-dessus, on a l'explication de Cheikh Obaid al-Jabiri, qu'Allah le préserve et le récompense par le Firdaus al-A'la. Il dit « في هاتين الآيتين أدلة أخرى أقامها الله عز وجل على استحقاقه العبادة فلنستعرض هذه الأدلة لكن قبل ذكر الأدلة ننبه إلى معنى قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يقول المفسرون هذا أول أمر جاء في القرآن، وأقول لفظ الناس دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه معرف بألف اللام لغير العهد، وهذه الصيغة من صيغ العموم كما هو مقرر في علم الأصول. وثمة سؤال، هل يدخل الجن في عموم هذه الآية؟ أعني الناس، وما دل عليه من عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب الجن داخلون في عموم هذه الآية من جهتين، أحدهما لغوي والآخر نص شرعي. أما اللغوي فلأن لفظ الناس مأخوذ من النوس أو النوس، وهو كثرة الحركة، ومنه قول العامة مكان ينوس أي تكثر فيه الحركة. وأما الشرعي فلما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه في سبب نزول قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب سورة الإسراء الآية، قال ناس من الجن يعبدون فأسلموا الحديث، أخرج البخاري في كتاب التفسير ومسلم في كتاب التفسير. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Obaid al-Jabiri hafidhahullah ta'ala en guise d'explication de ce passage du livre des trois fondements de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala? Il y a dans ces deux versets des preuves supplémentaires qu'Allah a dressées sur le fait qu'il est le seul endroit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Preuve que nous allons passer en revue, incha'Allah. Mais avant de citer les preuves, nous attirons l'attention sur le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, dont la traduction du sens est Ô homme, adorez votre Seigneur. Et homme, évidemment, avec un grand H. Les exégètes du Coran, c'est-à-dire les ulama du tafsir, de l'exégèse du Coran, al-mufassirun, disent que c'est le premier ordre qui intervient dans le Coran. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Obel Jabiri qui parle évidemment, le mot annas, hein, est une preuve de la globalité du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car ce mot a le signe de la forme déterminée, c'est-à-dire mu'arraf par alif lam. C'est-à-dire qu'il est déterminé par le fait qu'il y a alif lam, annas. C'est d'ailleurs l'une des formes par laquelle on exprime la généralité, comme cela est connu dans la science des fondements. Une question se pose. Les djinns rentrent-ils dans la généralité de ce verset? C'est-à-dire annas, et dans ce que ce verset indique que le message de Mohammed alayhi est général. Eh bien, Cheikh donne la réponse et il dit, Hafidahullah, la réponse, les djinns rentrent dans la généralité de ce verset à deux points de vue, ou de deux manières différentes. La première qui est linguistique et la deuxième qui est un texte légiféré. Alors, d'abord, au point de vue linguistique, linguistiquement, car le mot annas, annas est pris de annaus ou annawas, qui indique beaucoup de mouvements, d'activités. C'est pour cela que certains parmi les communs des gens disent makanun yanus, c'est-à-dire un endroit où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements. Deuxième point de vue, deuxième manière pour montrer que les djinns rentrent dans la généralité du texte, annas, du point de vue de la législation que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a rapporté de Ibn Mas'oudin, que la cause de la raison pour laquelle le verset, hein, dont la traduction du sens est, ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur, sourate Isra, verset 57, qu'il a été révélé au sujet de Jean, Nas. Hein, vous voyez ici le mot, le dalil, Nas, parmi les djinns, hein, qui étaient adorés et se sont convertis à l'islam. D'accord? Donc on voit bien que c'est une preuve que quoi, que les djinns rentrent dans la généralité du mot Nas. Pourquoi? Parce qu'ici, il a dit au sujet de Jean, Nas, parmi les djinns. Et ça a été rapporté par Al-Bukhari, livre de l'exégèse, Kitab al-Tafsir, dans Sahih al-Bukhari, 4715, et Muslim, également Kitab al-Tafsir, dans son Sahih, 7470. بقي بعد هذا استخراج الأدلة التي أقامها الله على استحقاقه العبادة في هاتين الآيتين، فالله دعا الخلق إلى عبادته، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم بين ما يدل على استحقاقه للعبادة، وكانت هذه الأدلة مما يقر به المشركون ولا ينازعون فيه، لأنهم مقرون بتوحيد الربوبية. فإلى استنباط تلكم الأدلة، الأول الذي خلقكم والذين من قبلكم خلقكم وخلق من قبلكم ولا ينازع أحد من قريش ولا ممن حولهم في الإقرار بهذا الدليل. شيخ عبد الجبيري nous continue son explication en disant: Il nous reste maintenant à nous attacher à tirer les preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dressées sur le fait qu'il soit le seul en droit d'être adoré. Tirer les preuves de ces deux versets de Sourate Al-Baqarah qu'on a cités. Allah a appelé les créatures à l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Ô homme, adorez votre Seigneur. Puis il a ensuite mis en évidence ce qui indique qu'il est le seul en droit d'être adoré. Et ces preuves, même les associateurs les reconnaissaient. Ils ne polémiquaient pas sur ce point, car ils reconnaissaient l'unicité de Seigneurie, Tawhid al-Rububiyya. On en extrait maintenant les preuves. La première, votre Seigneur qui vous a créé, vous, et ceux qui vous ont précédés. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Il vous créa et ceux qui vous ont précédés. Personne, ni Quraysh, ni ceux qui étaient autour, ne discutaient cette preuve-là. La deuxième preuve, الثاني, alladhi ja'ala lakum al-ard firasha. Ja'ala al-ard firashan mafroushah. ومع فرشها مسخرة مسهلة مذللة ومع فرشها ينال الناس منافعهم ومعايشهم، فمنها ما هو ظاهر ومنها ما يستخرج. Deuxième preuve tirée de ces versets, la deuxième, donc comme on a dit, c'est lui qui vous a fait de la terre pour lit. Il a fait de la terre un lit, la terre a été rendue pour lit et facilitée et aplanie. Par cela, les gens peuvent en tirer les bénéfices et leurs moyens d'existence. Parmi eux, il y en a qui sont apparents et d'autres qu'il faut extraire. Troisième preuve tirée de ces deux versets, sur le fait qu'Allah Azza wa Jal est le seul endroit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Al-thalith bina'u sama' wa sama'a bina'a. Troisième preuve, c'est « Et le ciel pour toi, il a fait du ciel un toit. » Wa rabi'an, quatrième preuve, « Wa anzala min as-sama'i ma'a, inzalu al-ma'i min as-sama'a, yashrabu an-nasu min hada al-ma' wa yasquna an'amahum wa zuru'ahum. » Quatrième preuve, « Il précipite la pluie du ciel. » Il fait précipiter, descendre la pluie du ciel, les gens boivent de cette eau et abreuvent leur bétail de cette eau et arrosent leurs plantations de cette eau. Cinquième preuve, al-khamis, al-dalil khamis, fa-akhraja bihi min al-thamarat yarizqan lakum. Ikhraju al-thamarat bi-dhalikum al-ma' al-nazil min al-sama' fa-hadihi khamsatu adillatin ja'at fil ayati ala wujubi ibadati Allahi wahdahu duna siwah. Baqiya fil ayati amran akharan. Cher, il rapporte la cinquième preuve, il dit, et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Il fait surgir des fruits au moyen de cette eau qui descend du ciel. Cheikh dit, ces cinq points extraits du verset sont des preuves sur l'obligation d'adorer Allah exclusivement et d'en adorer personne d'autre. Il reste donc deux choses à propos de ce verset. Cheikh va les rapporter, il dit, أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَمَا مَعْنَى ذَلِكَ أي لِتَتَّقُوا فَلَعَلَّ هُنَا لِلتَّعْلِيلِ وَالتَّقْوَى فِي اللُّغَةِ مِنَ الْوِقَايَةِ وَهِيَ الْحَذَرُ مِنَ الْمَكْرُوهِ وَاصْطِلَاحًا فِعْلُ طَاعَةِ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ طلبا لثوابه وترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقابه. يسي التعليق دون الهامش الدي شيخ قال طلق بن حبيب رحمه الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. انظر مجمع الفتاوى المجلد السابع الصفحة 63 بعد 100. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه أمدكم بهذه النعم ولا شريك له فيها فأخلصوا له العبادة لأن الأمر بالعبادة مطلقا لا يكفي. فلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبدوا الله ما نازعه القوم يقولون لا بأس نعبد الله، لكن قاسمة الظهر والمفرقة أعبدوا الله وحده أو أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا ما لا يريده القوم لتمكن الآلهة من قلوبهم خلفا عن سلف، فكانت النزاعات والخصومة بل والمفاصلة والقتل والقتال. الشيخ nous dit, il nous reste deux choses à propos de ce verset. La première, sa parole, peut-être atteindriez-vous à la piété. لعلكم تتقون. Quel est le sens de cela? C'est-à-dire pour que vous ayez la taqwa. لتتقوا. La taqwa dans la langue arabe vient de al-wiqaya, qui est la protection. Et c'est le fait d'être sur ses gardes quant à ce qui est détesté, réprouvé. Dans la législation islamique, c'est pratiquer l'obéissance d'Allah. Donc la taqwa, c'est pratiquer l'obéissance d'Allah sur une lumière d'Allah, cherchant récompense, sa récompense, subhanahu wa ta'ala. Et délaisser la désobéissance d'Allah, hein, la désobéissance à Allah, sur une lumière d'Allah, craignant son châtiment. D'accord? Donc je répète ça ici. Dans la législation islamique, taqwa, c'est pratiquer l'obéissance d'Allah sur une lumière d'Allah. Cheikh Abdelrazak al-Badr, il dit que, c'est-à-dire avec science, cherchant sa récompense et délaisser la désobéissance à Allah sur une lumière d'Allah, craignant son châtiment. Il y a une note de bas de page, comme je l'ai dit. Il rapporte une parole qui est très connue chez les ulama et qui est une des meilleures définitions de la taqwa que Talq ibn Habib, rahimahullah, qu'Alifas Miséricorde a dit. Il dit la taqwa, c'est de pratiquer l'obéissance d'Allah, hein, l'obéissance à Allah sur une lumière, c'est-à-dire une science, comme on l'a dit, d'Allah, espérant la miséricorde d'Allah, et de délaisser la désobéissance à Allah sur une lumière, c'est-à-dire une science comme on l'a dit, d'Allah, craignant le châtiment d'Allah. Et Chéri donne référence, Majmou' al-Fatawa, numéro 7, volume 7, page 100, 163. Et il dit Majmou' al-Fatawa, donc je suppose que ça doit être Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Cette taqwa, c'est ce que Allah a ordonné. Et c'est en réalité son adoration et son obéissance et la mise en pratique de ses ordres, commandements et le délaissement de ses interdits dans l'adoration et les transactions et le comportement. Donc je lis déjà ce passage ici. والتقوى هي التي أمر الله بها وهي في الحقيقة عبادته وطاعته وفعل أوامره واجتناب نواهيه في العبادة والمعاملة والسلوك ولها ثلاث مراتب وهي فعل المأمورات وترك المنهيات اجتناب المتشابهات أو الشبهات وثاني الأمرين قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا بدأ الآيتين بالأمر بعبادته وختمهما بالنهي عن الشرك به فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء فالند هو النظير والمثيل. Je répète la fin parce que j'avais oublié ce petit passage ici. On traduira le tout après, Inch'Allah. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه أمدكم بهذه النعم ولا شريك له فيها فأخلصوا له العبادة لأن الأمر بالعبادة مطلقا لا يكفي فلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ما نازعه القوم يقولون لا بأس نعبد الله لكن قاسمة الظهر والمفرقة اعبدوا الله وحده أو اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهذا ما لا يريده القوم لتمكن الآلهة من قلوبهم خلفا عن سلف فكانت النزاعات والخصومة بل والمفاصلة والقتل والقتال. On termine ce point là en disant que cette taqwa, c'est ce qu'Allah a ordonné. Et c'est en réalité son adoration, son obéissance et la mise en pratique de ses ordres, commandements et le délaissement de ses interdits dans l'adoration, les transactions et le comportement. La taqwa a trois degrés. La mise en pratique des commandements. Deuxième, le délaissement des interdits. Et troisième, s'écarter des ambiguïtés et de ce qui peut prêter à équivoque. Ce qui peut prêter à équivoque. La deuxième chose qui nous restait à voir de ces versets, c'est qu'Allah, ou la traduction de la parole d'Allah, ne lui cherchait donc pas des égaux. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا Allah a commencé les deux versets par l'ordre de l'adorer et les a finis par l'interdiction de lui donner des égaux, des associés. Ne lui cherchez donc pas des égaux, c'est-à-dire des associés. النِد, hein, c'est النَذِير وَالْمَثِيل النَذِير وَالْمَثِيل le semblable, l'égal. Ne le cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela, c'est-à-dire qu'il vous a pourvu de tous ses bienfaits dans lesquels il n'a aucun associé. Vouez-lui donc une adoration sincère car le fait d'ordonner d'adorer simplement n'est pas suffisant. Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Adorez Allah », son peuple ne se serait pas disputé avec lui. Ils auraient dit « Pas de problème, on adore Allah ». Mais ce qui brise le dos et qui fait la différence, adorer Allah uniquement ou adorer Allah et ne lui associer rien. Ça, ils ne le voulaient pas, car leur divinité héritée de père en fils était bien ancrée dans leur cœur et c'est pour cela qu'il y a eu dispute, séparation et combat.